Bonjour à toutes les auditrices, tous les auditeurs de Fadjet et les autres également, vous qui nous découvrez, c'est un plaisir de vous accueillir sur le 94.2. Serge en votre compagnie pendant l'heure à venir pour vous présenter un nouveau numéro de notre émission Coup de cœur. Ce sera le numéro 149. Comme nous sommes en début de mois, le premier jeudi de chaque mois, c'est devenu une habitude depuis novembre, on consacre l'émission à la présentation d'un hit coup de cœur. Alors de quoi s'agit-il ? Il ne s'agit pas des ventes des titres concernés, il ne s'agit pas des votes du public, c'est tout simplement du coup de cœur que nous avons eu pour les nouveautés. Nous les avons classées de façon à vous les présenter une fois par mois, de façon à diversifier notre programmation par rapport aux autres semaines, aux autres numéros de coup de cœur. Alors, que s'est-il passé dans notre classement du mois de février par rapport à celui de tout début janvier 2023? En résumé, vous allez découvrir 5 entrées, 6 titres qui ont chuté, on peut dire ça comme ça, 3 progressions et une position qui est restée stable. Si je vous dis Tommy Rowe, est-ce que ça vous parle? C'est un chanteur américain, il est né en 1942 à Atlanta. Et il était marié avec l'actrice Josette Bonzé. Écoutez plutôt ce qui suit. Sweet little Sheila, you'll know her if you see her. Blue eyes and a ponytail. Her cheeks are rosy, she looks a little nosy. Man, this little girl is fine. Alors là, vous reconnaissez un titre qui a été repris, qui a même donné son nom à l'artiste, c'est Sheila, bien sûr, son premier 45 tours. Pourquoi je vous parle de Tommy Rowe? Pourquoi occupe-t-il la 15e place? Tout simplement parce qu'il vient de sortir un titre en hommage à son épouse qu'il a perdue en 2020 avec la participation de Sylvie Vartan. Featuring Sylvie Vartan. Alors qu'est-ce que ça veut dire featuring? Bah, le duo, c'est un duo en forme de featuring qui a pris son essor sous l'impulsion du rap, du hip-hop et des musiques électroniques, et notamment il est utile pour valoriser une carrière, et c'est aussi une affaire fort rentable pour le producteur dès que la rencontre artistique tient ses promesses. C'est l'association de deux artistes. Donc l'intervention de Sylvie Vartan dans ce nouveau titre de Tommy Rowe, My Little Josette, qui occupe le numéro 15 de notre classement. There's more to her than that. Now years go by and here we are, heartbroken, and yet she'll always be without regret, my little Josette. Je lève mon verre à ma chère Josette. C'était une amie au grand cœur, aimée de tous. Et pour Tommy, elle était le centre du monde et l'amour de sa vie. Yeah, the first thing that attracted me is how she wore that hat. But it didn't take long for me to see there's more to her than that. Sometimes life seems unfair, like losing a bet. We all won big when we met our little Josette. Yeah, I hit the jackpot when I met my little Josette. My petite Josette. My little Josette.

refait ton chignon. Et toi tu m'aurais dit ça tire. Moi j'aurais fait un peu le con juste pour regarder ton sourire. Je t'aurais promis de faire une chanson qui raconterait comme t'étais belle, qui raconterait comme on est con, croire que les gens sont éternels. Et puis je t'aurais serré si fort qu'il y aurait des marques à ton cou. Je t'aurais regardé encore et puis je t'aurais regardé surtout. Je t'aurais enfermé dans mes yeux, j'aurais capturé ton parfum. Je t'aurais dit au revoir un peu mieux, puis j'aurais menti à demain. Soir-là. Si j'avais su que le temps n'attend pas, si j'avais su, si j'avais su que c'était la première fois que je te voyais pour la dernière fois, je me serais dépêché de t'aimer. On court après la vie, car on n'aime jamais assez. Je t'aurais dit je t'aime aussi. Les mots faut pas qu'on les conserve, faut les distribuer à la ronde. Sinon les mots, à quoi ils servent, à part à décorer les tombes. Si j'avais su, en partant ce soir-là. Si j'avais su, que le temps. Nos coups de cœur, on ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Alors plein d'entrées comme d'habitude dans notre classement. Après Tommy Rowe, après Luan, après Claudio Capeo, la 11e place est occupée par Calogero. Alors Calogero, c'est un tube qui sort 2 mois après la fin de sa tournée, c'était en décembre dernier. Cette chanson s'appelle Par choix ou par hasard, un titre énergique et engagé. Calogero y dévoile un kaléidoscope de la France à travers les paysages, les habitudes et les contradictions de l'Hexagone et de ses habitants. Il y parle également d'intégration. Dans ces Mohamed Ali, être français, c'est des gens qui s'unissent. Le temps d'une balle ou le temps des cerises, c'est allumer la télé des bougies. Cet état d'âme un peu qui nous unit, c'est ici. C'est des gens qui rêvent et qui entrent. C'est l'espoir de mon père dans les années 50. C'est un gamin qui apprend sur le banc d'une salle. Un autre qui attend sur un banc de sable. C'est la nuit à Calais, c'est la nuit des Césars. C'est par choix ou par hasard. Par choix ou par hasard. Par choix ou par hasard. C'est par choix ou par hasard. C'est par choix. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans ce titre ? Moi, oui, personnellement. Il fallait avoir un sacré courage pour le faire. On continue à remonter ce classement. En 10e position, c'est Sheila. Sheila, elle a été numéro 1 avec son titre samedi soir. Elle perd encore 5 places, elle se retrouve 10e. En 9e position, chute de 2 places pour Garou et Della Lucia. La réunion du continent et de la Corse, un jour peut-être. On écoute ces deux titres immédiatement. Hit parade numéro 10. Nancy sur 94.2. Je suis toute seule. ciel trop gris, de m'entendre dire bonjour avec l'accent de mon pays. Mais peut-être qu'un jour le parfum du maquis peut-être qu'un jour je reverrai la mer, les vagues bleues et les bateaux dans le golfe de Porto Vecchio. Comment voulez-vous que j'oublie Dominique avec ses chansons? Je rêve de mouettes la nuit. Oui, mais pourtant, chaque matin, c'est un pigeon des Tuileries qui vient se poser sur ma main. Mais peut-être qu'un jour. Jet. Coup de cœur à Nancy sur 94.2. Allez, comme des alpinistes, on continue d'essayer de remonter à la surface pour découvrir les trois premiers de ce classement du mois de février 2023 des hits coup de cœur. Alors, en 9e position, Garou et Della Lucia. En 8e position, La Petite Culotte, La Goffa Lolita. Alors, il s'agit du tube surprise du second semestre 2022. Après avoir envahi les fêtes de village en Corse, La Goffa Lolita a fait craquer la France avec son air entêtant et ses paroles légères. Mais qui est La Petite Culotte, l'artiste derrière ce succès inattendu? Alors, il faut dire que dans les stades et les fêtes de village, c'est incontestablement ce titre qui a remporté tous les suffrages. Cette chanson à la guitare mettant en scène une demoiselle de petite vertu est connue de tous ou presque en Corse. On reste en Corse, hein, après avoir écouté Della Lucia, on reste en Corse puisque cette chanson s'est invitée comme mère populaire dans les années 80 sous une forme, il faut dire, plus grivoise. Habitué à chanter dans les bars de l'Île de Beauté, Vincent Colonna, il s'agit de lui, alias La Petite Culotte, a un jour décidé de reprendre ce titre à sa sauce. L'autre soir, on profitait d'une bonne bouteille dans la vieille ville ajaxienne. Quand elle est arrivée, elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne souciant pas du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'était Loli. C'était Loli. C'était Lolo. C'était Lola. C'était Loli. C'était Lolo. C'était Lola. C'était la Goffa Loli.

Il ne te reste rien lorsque les jeux sont faits. Et ta porte se bloque au milieu des regrets. Tu cherches la sortie, tu transpires, tu t'essouffles. Et tes larmes de sueur se perdent dans un gouffre. Sais-tu que dans ce gouffre il y a notre reflet? Et l'enfant qu'on était sous les larmes effacées. La peur s'est engagée dans nos vies, dans nos rues. On se perd, on se cogne au labyrinthe qui tue. T'as beau vouloir sortir, le labyrinthe exulte. Regarde par la fenêtre, c'est toi qu'on exécute. On en parle. On en parle, dis-moi. De ce monde qui se délite, de ce cynisme ambiant. Les cris sont devenus un silence glaçant. On décide en un tweet des bons et des méchants. Les rires font un vacarme qui me glace le sang. Parce qu'on rit en dépit, aux larmes et aux dépens. On provoque, on écrase, on s'agite, on s'acquitte. Mais les seules grandes guerres sont celles qu'on évite. Patrick Bruel en 7e position, il perd 4 places. En 6e, Slimane et Lazara, les amants de la colline, il perd de 5 places. Lazara, c'est elle qui va défendre les couleurs de la France au prochain concours Eurovision de la chanson, c'est décidé. En 5e position, plus 9 places pour 3 cafés gourmands et leur titre Quand. Hit parade numéro 6. Que le diable t'emporte, c'est pas l'heure, et qu'il frappe à ta porte. J'ai pas peur que les anges te protègent. Pourquoi faire? T'étais pas si mauvaise. Laisse-toi faire. Moi j'inspire, toi t'expires, et puis tout part en fumée. Tu m'inspires, je désire, mais y'a plus rien à fumer. Tu t'étires, je t'aspire, et puis faut recommencer. Moi j'inspire, toi t'expires. Les amants de la colline montent, descendent, redescendent. Reste petite copine, fumée jusqu'à la cendre. Les amants de la colline, perchés sur une étoile. Les amoureux qui spin, continuent même demain. Je te tiens, tu me tiens. Continue. Et je vais. Mais y'a plus rien à fumer. Tu t'étires, je t'aspire, et puis faut recommencer. Moi j'inspire, toi t'expires. Les amants de la colline montent, descendent, redescendent. Reste petite copine, fumée jusqu'à la cendre. Les amants de la colline, perchés sur une étoile. Les amoureux du spleen continuent. Et le beau temps dit c'est quand. Dans

How can I sleep with this coldness beside me? How can I sleep with this coldness inside me? I know I can't bring back your love. Allez, je vous rafraîchis la mémoire, un petit récapitulatif de ce classement du mois de février 2023 de nos hits coup de cœur. En 15e position, Tommy Rowe, Sylvie Vartan, My Little Josette. I will never forget. I fell in love the day I met. En 14e position, 4 places de perdu pour Ricard et Zaz. Des animaux fragiles, et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. En 13e position, c'est Louane que l'on retrouve, la fille. C'est qui la fille devant qui regarde le miroir? C'est qui la fille qui chante devant toi tous les soirs? Je crois que je sais pas vraiment qui elle est, qui elle est, c'est qui la fille. Encore une entrée en 12e place, Claudio Capeo, si j'avais su. En partant ce soir-là, si j'avais su que le temps n'attend pas. Onzième place, Calogero, par choix ou par hasard. Chanson à texte, message. Elle perd 5 places, Sheila en 10e position, samedi soir. En 9e position, Garou et Della Lucia, un jour peut-être, la Corse continent. Mais peut-être qu'un jour, je reverrai la mer. La meilleure entrée de la du mois, la petite culotte, la Goffa Lolita en 8e place. Septième de ce classement, Patrick Bruel, on en parle, moins 4 places. Septième position. On en parle. Il ne te reste rien lorsque les jeux sont faits. Et ta porte se bloque au milieu des regrets. Ils sont classés 6e, Slimane et Lazara, les amants de la colline. Les amants de la colline. La plus forte progression en 5e place, 3 cafés gourmands. Quand? Le printemps c'est quand? C'est quand le soleil et les grands ciels, l'espoir et le beau temps. Dis, c'est quand? Elle reste 4e, Mylène Farmer et Muse. On va maintenant découvrir les 3 premiers. Elle perd une place par rapport au mois dernier mais reste dans le tiercé de tête avec ce réenregistrement 2022 de La Mémoire d'Abraham. C'est bien sûr Céline Dion. I